À l'occasion du jour anniversaire du Parti du Travail de Corée, la représentation d'ensemble des sélectionnés au 11e concours de récital des enfants s'est déroulée le 10 courant au Palais des enfants de Mangyongdae à Pyongyang. Y ont assisté les permanents de l'Union de la jeunesse et les officiels intéressés, ainsi que les jeunes et enfants.